Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous vous proposons de changer d'hémisphère, d'aller faire un tour en Tasmanie pour voir comment le diable de Tasmanie a été sauvé de l'extinction. Et c'est Mélanie Jean qui nous raconte cette histoire. Bonjour Mélanie. Bonjour Valérie. Et oui, le diable de Tasmanie, en fait, c'est un petit marsupial qui est plutôt nocturne et qui est carnivore. Et on le retrouve, en fait, seulement sur l'île qui porte son nom. Mm-hmm. Mais malheureusement, il a disparu du continent australien il y a déjà 400 ans. Parce qu'avant, on le retrouvait aussi en Australie. Avant, il y en avait aussi en Australie? Oui. Okay. En fait, c'est qu'historiquement, les premiers pionniers européens ont considéré le diable de Tasmanie vraiment comme un animal nuisible. Et ça tuait surtout la volaille. Mm-hmm. Donc, ils ont décidé de le persécuter de façon tellement intensive que, après de nombreuses années, il a fini par disparaître parce que là, on l'empoisonnait, on l'emprisonnait, on le piégeait, on le tuait. Et jusqu'à ce qu'une loi en 1941 passe et soit adoptée. Et à ce moment-là, la population a commencé à s'en remettre un petit peu de façon graduelle, mais elle était déjà malheureusement disparue du continent australien. Mm-hmm. Mais depuis 2009, l'espèce a été déclarée espèce menacée. Parce que malgré qu'on ait officialisé son statut et qu'on n'avait plus le droit de le chasser, la population était quand même pas très grande sur mm-hmm. l'île de Tasmanie. Ouais. Et comme il est unique à l'île de Tasmanie, il a malheureusement rejoint la sombre liste des espèces menacées parce que vous allez voir dans la chronique d'aujourd'hui pourquoi, en fait, il a atteint ce si faible niveau de population. Parce que depuis la fin des années 90, le nombre de diables a chuté de 80 à 95%. Et ça, c'est bien assez pour faire disparaître l'espèce. Surtout s'il y en a déjà un petit nombre au départ, parce que l'île de Tasmanie, c'est quand pas même pas très grand. Non, c'est ça. Mais quand même, c'est impressionnant, 80 à 95% de diminution en une vingtaine d'années. Oui. Donc, qu'est-ce qui a pu causer ce déclin aussi rapide? Bien, parallèlement à la déforestation que subit la Tasmanie, ça c'est déjà un gros problème à part, ça dégrade énormément son environnement, ce marsupial-là, il doit faire face à une autre menace. Depuis surtout le milieu des années 90, les scientifiques ont observé une augmentation du décès des diables de Tasmanie lié à un cancer. Un cancer. Mais c'est très particulier parce qu'il est causé par un virus et il se propage entre les individus. Habituellement, un cancer, là, c'est pas une maladie contagieuse. Non, pas vraiment. Hein? Mais pourtant, chez ce marsupial, les tumeurs se transmettent entre individus. Et là, c'est une des menaces qui pèse sur lui, qui est une menace d'extinction. Et comme je l'ai déjà mentionné, les cancers, c'est pas contagieux. Cependant, il y a quelques exemples de cancers qui sont causés par des virus ou des bactéries et qui, eux, sont contagieux. Donc, le virus ou la bactérie, eux, sont contagieux. C'est ça. Ouais. Par exemple, le fameux papillomavirus humain, là, ça peut provoquer le cancer du col de l'utérus mm-hmm. parce que ça prédispose les cellules des individus qui sont infectés à devenir malignes. Oui. Mais ce cancer-là n'est pas dû à la propagation de cellules tumorales d'une personne à l'autre. Ouais. Le processus n'est pas pareil. Mais dans le cas de la maladie du diable de Tasmanie, c'est les cellules cancéreuses qui sont les agents infectieux. C'est les cellules cancéreuses qui sont les agents. Donc, ils se promènent d'un individu à l'autre. Comment c'est possible, ça? Ça se propage surtout lorsque les diables de Tasmanie ne portent pas ce nom-là pour rien. C'est qu'ils sont extrêmement territoriaux et possessifs et ils se battent souvent entre eux. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont se contaminer. Ils se frottent d'un peu trop près. C'est ça. Ah oui. Et face à ce déclin rapide des populations, les biologistes ont voulu comprendre c'était quoi l'origine, comment il était devenu contagieux, parce que c'est un peu la façon dont je vous l'ai expliqué. Mm-hmm. Mais ils se sont aussi demandé si de telles tumeurs pouvaient apparaître chez l'espèce humaine. Mais dans le contexte actuel, c'est peu probable, mais le risque n'est pas totalement mm-hmm. exclu parce que c'est pas une maladie qu'on connaît énormément. Mm-hmm. Parce que c'est vraiment, pour l'instant, c'est unique à cette espèce-là. Et c'est apparu pour la première fois en 1996. Et cette maladie-là s'est vraiment progressivement propagée à toute la population de l'île de Tasmanie. Mais malheureusement, le système immunitaire des diables de Tasmanie, on s'est rendu compte qu'il est inopérant contre ces cellules invasives-là. Mm-hmm. On croit que son confinement sur l'île, ça aurait un peu érodé sa diversité génétique et donc son système immunitaire. Ah oui. Et ça l'aurait rendu vulnérable un peu plus à ce genre de maladie-là, à d'autres maladies aussi. Mm. Leurs anticorps sont donc incapables de reconnaître les cellules cancéreuses. Mm-hmm. Mais ce virus, en fait, qu'est-ce qu'il fait au diable de Tasmanie? Le virus cause une tumeur au niveau du visage. C'est vraiment contagieux et c'est mortel. Ouais. Il entraîne la mort dans 100% des cas. C'est automatique. Mais heureusement... Donc c'est une tumeur au visage, donc c'est là quand ils doivent se mordiller, quand ils s'attaquent. Là, c'est ça, ils entrent en contact. Oui, exactement. Ouais. Heureusement, le virus, il n'est pas présent en Australie. On n'a pas remarqué d'autres marsupiaux qui auraient pu avoir ce genre de problème-là ou de virus. Les spécialistes estiment qu'il y a aujourd'hui entre 5 000 et 10 000 diables de Tasmanie sur l'île. La maladie se transmet entre individus par morsure et les tumeurs okay. se développent, c'est pratiquement juste sur le visage et le cou. Et ce que ça fait, c'est que ça l'empêche de, un, flairer sa nourriture et de, deux, de manger. Donc malheureusement, il va mourir de faim après quelques mois après avoir contracté la maladie. Et comme je le disais tout à l'heure, le cancer s'est vraiment propagé quand même assez rapidement dans l'île et ça continue de progresser. Mais les défenseurs de ce petit marsupial se montrent quand même optimistes parce que depuis 10 ans, ben le diable n'a jamais été aussi en sécurité. Il est vraiment très protégé mm-hmm. et il y a des programmes aussi, dont un qui s'appelle Sauvons le diable de Tasmanie, qui affirme avoir réussi même à assurer la survie de l'espèce. Mm-hmm. Parce que les diables maintenant sont élevés en captivité. Okay. Et ils sont relâchés par la suite dans la nature là, quand même assez jeunes. Ils vont être réintroduits dans la vie sauvage et on remarque qu'ils s'adaptent vraiment facilement et qu'ils se reproduisent vraiment plus rapidement qu'on avait espéré. Parce qu'en fait, les diables de Tasmanie, là, c'est vraiment des animaux très coriaces. Ça ressemble à quoi, au fait? C'est comme c'est un marsupial, c'est ça? Oui, mais ça ressemble un peu à un petit chien avec un visage un peu agressif, des petites dents pointues. C'est noir et ça a une ligne blanche sur le poitrail. OK. Mais ça a son charme. Ça dépend juste de son humeur. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, le diable de Tasmanie, c'est un personnage qu'on connaît beaucoup dans les studios Warner, là, Bugs Bunny, Taz, est inspiré du diable de Tasmanie. Ah, ouais. Donc, ça vous donne une idée de son caractère. Mm-hmm. Donc, comme je disais, ils sont élevés en captivité et on les réintroduit et leur taux de survie est vraiment très bon parce que ils peuvent rivaliser en fait avec plusieurs prédateurs mm-hmm. et ils s'adaptent vraiment rapidement à leur milieu. Mm-hmm. Ce sont vraiment des animaux qui sont costauds. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui arrive aux marsupiaux qui sont réintroduits dans la vie sauvage parce que eux ils peuvent être contaminés à leur tour? Oui, vu comme ça, on pourrait penser que on les retourne dans un endroit qui est contaminé, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Ils sont réintroduits dans des îles et des péninsules autour, parce que l'île de Tasmanie est entourée de plusieurs petites îles et de péninsules, et ces endroits-là sont à l'abri de la maladie. Depuis 2012, il y a 28 spécimens qui ont été relâchés sur une île qui s'appelle Maria Island. C'est une petite île qui est à l'est de la Tasmanie. Et en fait, c'est un parc national. Il n'y a aucune voiture qui est permise sur cette île-là. Et après seulement une poignée de touristes là, qui peuvent y aller mm-hmm. chaque année. Donc, c'est un endroit idéal pour réintroduire des animaux sauvages. Et ces diables avaient été aussi sélectionnés parmi plusieurs qui sont en captivité en fonction de leur patrimoine génétique, de leur âge, de leur genre. Et sur l'îlot, ils se sont reproduits et maintenant, ils sont rendus 80. Donc, c'est un bon taux de progression. Ah oui. Et ils sont assistés dans leur alimentation les premiers mois. Pour les aider, on distribue là, des carcasses de petits animaux. Mais ils se sont vraiment rapidement remis à chasser par eux-mêmes et à trouver mm-hmm. leur place dans l'écosystème. Mm-hmm. Donc, ils sont quand même à l'abri du virus et puis ils sont bien réintroduits. Il y a d'autres marsupiaux qui devraient être réintroduits sur cette île-là, Maria Island. Plusieurs dizaines de diables vont être relâchés cette année dans la péninsule de Tasman. Ça, c'est au sud-est de l'île de Tasmanie, mm-hmm. où le cancer ne serait pas présent. Le défi, c'est de tenir cette zone-là à l'écart de la maladie, parce que là, parce qu'il est peut-être véhiculé, beaucoup d'individus quand même. Ce virus est peut-être véhiculé par d'autres espèces aussi. Pour l'instant, on croit que non, okay. que ce serait typiquement lié à cette espèce-là. Ah, ouais. Donc, au moins, ça réduit peut-être un peu les risques. Ouais. Mais ce qui aide un peu, c'est que la presqu'île est fait pour se rendre à cette presqu'île-là, c'est un étroit passage. On peut pas se rendre super facilement là. Ça mm-hmm. permet donc d'empêcher, de restreindre un peu l'accès à cet endroit-là mm-hmm. par ceux du reste de l'île. Et on a aussi ajouté une clôture à cette barrière naturelle-là. Donc, mm-hmm. C'est quand même un peu contrôlé et surveillé aussi. Et dans la péninsule de Forestier, le cancer avait commencé à se propager. Donc là, on a retiré tous les diables de Tasmanie en 2012. Donc là, cet endroit-là, il n'y en a plus. Ouais. Fait qu'on croit que le virus serait plus présent. Ouais. Et là, d'autres vont ultérieurement être réintroduits à cet endroit-là. Mmh, mmh. Mais ça suppose quand même que quelque part, pour introduire tous ces diables de Tasmanie, ça suppose que quelque part, on en élève en grande quantité pour les relâcher. Oui, parce que même sur le continent australien, on en élève en Tasmanie. OK. Il y en a plus de 600 qui sont élevés en captivité dans une trentaine de zoos et de parcs. Et on les prépare là, à être relâchés dans la nature. Et après la réintroduction des diables, la priorité, c'est les animaux sauvages. Et là, on se préoccupe beaucoup de la génétique parce qu'on veut pas qu'il y ait de consanguinité, parce qu'on va se retrouver avec le même problème au bout du compte. Ouais. Et là, des chercheurs, ils ont repéré que certains diables dans la nature, ils semblaient résister à cette maladie-là. Okay. Donc, on croit que la diversité génétique, c'est une clé du succès pour probablement combattre ce virus-là. Mm-hmm. La recherche se poursuit également pour trouver un vaccin. Parce qu'on aimerait ça quand même, parce que pour l'instant, c'est pas encore réalisé, mais on aimerait ça être capable de vacciner ceux qui sont potentiellement contaminés ou essayer de les guérir. Mais là, on voit que le taux de mortalité est vraiment à 100%. Ouais. Et ça va prendre vraiment beaucoup de temps avant qu'on ait un vaccin contre cette maladie-là. C'est surtout peut-être aussi pour prévenir si jamais ça se développe sur d'autres espèces, éventuellement peut-être même l'être humain. Ouais. Donc, c'est important de développer un virus, un vaccin contre ce virus-là. Ouais, c'est ça. Et la deuxième difficulté, ben ça va être comment vacciner les animaux qui vivent dans l'état sauvage, là, parce que le diable de Tasmanie, c'est pas non, avec la nourriture peut-être. Oui, ça pourrait. C'est parce que la capture risque d'être compliquée là. Ouais. Et si le diable semble désormais à l'abri de l'extinction pour l'instant, ben là, son cri féroce est devenu quand même de plus en plus rare sur l'île. Parce qu'il est devenu encore plus endémique. Avant, il était sur l'île de Tasmanie. Maintenant, il est sur des péninsules de l'île. Donc, c'est un degré d'endémie. Je ne sais pas comment dire. En tout cas, il est encore plus endémique. Oui. Le marsupial devrait, en revanche, devenir d'ici peu l'emblème officiel de la Tasmanie. Uh-huh. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ouais. Par exemple, le ministre de l'Environnement de la Tasmanie a mentionné qu'une telle reconnaissance, ça va permettre d'attirer davantage de financement pour lutter contre cette maladie-là, parce que ça va attirer plus de tourisme et plus de peut-être d'intérêt scientifique face à cette problématique-là. Et aussi de promouvoir carrément la Tasmanie, qui est une île qu'on peut dire au bout du monde. Ouais, surtout pour nous, là, c'est complètement de l'autre côté. Mais c'est une province, c'est un pays à part ou c'est une province de l'Australie? Ça fait partie de l'Australie. Oui. Effectivement, donc le diable qui pourrait donc devenir l'emblème de la Tasmanie, puis aussi, je dirais, le symbole d'un programme réussi de sauvegarde des animaux. C'est une belle réussite de réintroduction à l'état sauvage. Ouais. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Mélanie. C'est un plaisir. Alors, on passe en pause publicitaire sur CKRL au 89.1.